Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'explosion de la navette spatiale Challenger. La foule réunie à Cap Canaveral applaudit quand la navette Challenger pousse ses gaz à fond, mais c'est la confusion et l'effroi quand cette foule comprend ce qui se passe. Le 28 janvier 1986, 73 secondes après son décollage, la navette Challenger explose en plein ciel. Les 7 astronautes à son bord y laissent leur vie. Parmi eux, l'enseignante Christa McAuliffe, considérée comme la première civile à s'être lancée dans l'espace. Le 28 janvier 1986. Challenger explose. Présent avec Louis Martin. Challenger, c'est le drame. Lancée à 11h39, la navette a explosé une minute plus tard. Il y avait 7 personnes à bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Dominique Lapointe interroge Jacques Avdé de l'agence France-Presse. Jacques Avdé, bonjour. D'abord, les derniers détails. Est-ce qu'il y a des survivants parmi les 7 membres d'équipage? La NASA, pour l'instant, n'a fait aucun communiqué à propos de la possibilité de survivants. Mais quand on a vu les images en direct à la télévision de l'énorme boule de feu qui a été provoquée par l'explosion de la navette, il est absolument, pratiquement sûr désormais que l'équipage des 7 astronautes, dont un professeur américain, une femme professeure, a été tué, que l'équipage a été complètement anéanti par cette énorme boule de feu. Pour revivre et pour comprendre les événements du 28 janvier 1986, mon invité est Robert Lamontagne, qui est astrophysicien à l'Université de Montréal et directeur exécutif du télescope de l'Observatoire du Mont Mécantique. Monsieur Lamontagne, bonsoir. Bonsoir. On va revenir, Monsieur Lamontagne, dans quelques minutes sur l'explosion de Challenger comme telle. Mais d'abord, un peu de contexte autour de la NASA à l'époque, l'émission spatiale à l'époque, en 1986. Où en est la NASA dans son programme spatial à ce moment-là? Ben, la NASA est en transition. De la fin des années 70 et au début des années 80, la NASA est en train de basculer dans un programme, je dirais, d'exploitation un peu plus commercial de l'espace. On a vécu la course à la Lune dans les années 60 avec les exploits assez remarquables. Le premier homme sur la Lune. L'émission Apollo, quelques hommes sur la Lune. Et ensuite, on entre dans une phase où on veut davantage faire des expériences dans l'espace et à la limite même commercialiser l'espace, par exemple, développer des nouveaux médicaments ou des nouveaux matériaux. Et pour faire ça, ça prend un engin spatial qui est réutilisable, plus polyvalent, plus gros, capable de transporter des charges plus lourdes, même à la limite de lancer des satellites. Et c'est le rôle que va jouer la navette spatiale par opposition aux cabines Apollo, par exemple, qui ont permis d'arriver sur la Lune. Une espèce, les navettes, c'est une espèce d'avion de l'espace qui revient sur Terre, parce qu'Apollo, c'était une vraie fusée, là, pour, hein, faut s'en souvenir, là, qui catapultait dans l'espace une petite navette, en fait. Tout à fait. L'émission Apollo, c'est un missile qu'on tire dans l'espace avec quelques personnes au bout du missile. Les navettes, c'est plutôt une espèce de camion de l'espace dans lequel on peut faire des expériences, on peut transporter du matériel et on peut aussi amener plus d'astronautes. Mm-hmm. On était limité à 1, 2 ou 3 astronautes avec le programme Mercury, Gemini, Apollo. Là, on peut aller jusqu'à 6, 7 personnes en même temps dans l'espace. Un commandant de bord, du personnel pour la navigation de l'engin, mais aussi du personnel spécialisé, scientifique, qui peut faire des expériences. L'armée va aussi... à cette époque-là, là, on développe beaucoup des missions spatiales, mais militaires, en fait. Tout à fait. Le programme des navettes spatiales, il y a une partie des missions qui sont réservées au lancement de satellites à caractère militaire et pour lesquelles on a très, très peu d'informations. Mis à part le fait qu'il y a eu un lancement, on n'a aucune idée de la nature du cargo qui est envoyé dans l'espace. On peut soupçonner des satellites qui, plutôt que de regarder les planètes et les étoiles lointaines, regardent vers le sol. Oui. La mission, justement, de cette navette Challenger en 86, quelle est la nature spécifique de cette mission-là? C'est une mission à plusieurs volets. Il y a un aspect commercial, lancer un satellite pour les télécommunications, je pense, ou la météo. Et le reste, c'est une mission avec quelques expériences scientifiques, mais c'est aussi une mission, je dirais, de relations publiques dans laquelle il y a pour la première fois une femme, une civile. C'est un professeur qui enseigne à de jeunes enfants et qui va offrir des classes de l'espace. Donc, elle va faire de l'enseignement à partir de l'espace par télécommunication. Donc, il y a un aspect très médiatique et très spectaculaire à ça. C'est montrer que l'espace est à notre portée maintenant, que vous, moi, monsieur, madame, tout le monde va éventuellement pouvoir aller dans l'espace. L'aspect très unificateur aussi, éducatif et très unificateur de l'exploitation de l'espace. Mm-hmm. Ce n'est plus réservé à des pilotes de chasse ultra spécialisés. Et c'est à la suite d'un concours, d'ailleurs, que cette femme, Krista McAuliffe, va réussir à, entre guillemets, malheureusement pour elle, mais gagner sa place dans l'espace. Oui, tout à fait. C'est un concours qui était offert aux Américains, évidemment. Évidemment, suite à sa sélection, elle va être entraînée. Là. C'est pas à la portée encore de tous d'aller dans l'espace. On peut se rappeler, par exemple, de Guy Laliberté qui a subi un entraînement pour aller dans la Station spatiale internationale. Alors, donc, il y a une forme d'entraînement à prendre les mesures de sécurité de base, mais c'est surtout, en fait, un coup médiatique. La NASA veut, d'une certaine façon, rehausser son côté populaire, qu'elle, cette espèce de lustre qu'elle commençait à perdre. Mm-hmm. L'émission Apollo avait été très médiatisée, c'était très spectaculaire. Et là, il y avait un désintérêt pour l'exploration habitée de l'espace. Ouais. Et donc, là, on voulait ramener ça à l'avant-scène. Bon. On a un extrait, vous allez voir, c'est assez saisissant, le témoignage d'un collègue de Krista McAuliffe, cette enseignante donc américaine qui fait partie de l'équipage qui malheureusement périra dans cette explosion. John Boucher, c'est le nom de ce collègue, qui raconte le lendemain de l'accident comment se vit cette tragédie de Challenger à l'école où enseigne Krista McAuliffe. Tout le monde regardait la télévision, tout le monde, les professeurs, les élèves. Et surtout dans l'auditorium, c'était vraiment une atmosphère de festival. Il y avait des petits chapeaux, des ballons, ça criait « Go, go, Krista ». Et puis, Vous étiez à la bibliothèque? Moi, j'étais à la bibliothèque. Il y avait beaucoup d'étudiants, là? Il y en avait, je dirais, une centaine. Il y avait deux téléviseurs, là, à la bibliothèque. Alors, il y avait une centaine d'élèves et de professeurs. Et comment ça s'est passé? Alors, la navette s'est élevée dans les cieux et puis tout paraissait aller très bien. Et puis après une minute, il y a eu cette explosion et d'abord on a cru que c'était les fusées qui se détachaient, ce qui est normal d'ailleurs. Et on a vu ça plusieurs fois auparavant. Alors, on a cru que c'était la chose normale. Et tout à coup, ça a été le silence à la télévision. Personne ne parlait. Et aussi, c'était un peu étrange parce que la boule de feu qu'on avait vue semblait plus grande que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et après 20 secondes... on a dit tout à coup, il y a eu une malfonction. Quelle a été la réaction là, à ce moment-là? C'était le choc, hein? Vraiment. On voit, mais on ne veut pas croire. Des élèves ont commencé à pleurer, même les professeurs. C'était un silence complet. Personne ne parlait. On attendait qu'on nous donne plus de précision. Et puis, après quelques minutes, M. Fall est le directeur de l'école. Au haut-parleur nous a dit qu'il voulait que tout le monde retourne aux classes. Alors, tout le monde s'est dispersé. Nous sommes retournés aux classes. Et puis, là, on a commencé à nous donner des informations au haut-parleur du bureau. Et enfin, à une heure, on a demandé aux élèves de rentrer chez eux. Ça donne froid dans le dos, Robert Lamontagne. On comprend très, très bien ce qui se passe dans cette école. Puis il y a des gens, plein de gens ont vu ces images. C'était diffusé en direct. La catastrophe, l'explosion de Challenger. Qu'est-ce qui se passe le 28 janvier 86? Techniquement, effectivement, la navette spatiale explose. Enfin, une partie de la navette explose. Et on le vit en direct. On peut essayer d'imaginer une situation semblable. On a tous suivi les exploits de Chris Hadfield récemment ou de Julie Payette parce que ça nous touchait plus directement. Et imaginons une catastrophe du même genre. Mmh. On aurait tous vécu ça en direct à la télévision. Mmh. Et il y a cette incompréhension pendant une ou deux minutes. On dit non, c'est pas vrai. Il y a une erreur, là. Il y a quelque chose qui est... Ça doit pas être ça, là. Ils vont, dans deux minutes, ils vont nous expliquer, là, c'est juste un petit problème, puis tout va bien. Et on sait pas trop ce qui se passe. Il y a toutes sortes de... On va le savoir, évidemment. Tout à fait. Mais à un moment donné, on se dit, c'est quand on leur demande de pousser les gaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, au décollage, les gens se rappellent, la navette spatiale est arrimée à un immense réservoir d'appoint qui contient l'hydrogène et l'oxygène. C'est cette espèce de grand réservoir jaune-orangé qu'on voyait sur les images. Et il y a aussi deux fusées d'appoint de chaque côté qui contiennent un carburant solide, un peu comme les pétards qu'on utilise pour les feux d'artifice. Et tout ça, ça sert à permettre à la navette de décoller, d'atteindre la vitesse suffisante pour se mettre en orbite. Éventuellement, on détache les fusées d'appoint avec le carburant solide et ensuite, on se débarrasse du réservoir et il ne reste que la navette, l'espèce d'avion qui, lui, va revenir au sol. Et ce qui se produit, c'est que les fusées d'appoint, ce sont d'immenses tubes qui sont assemblés, morceau par morceau, donc, et qui sont réunis par des joints toriques. Et c'est un de ces joints qui a lâché. Les gaz très chauds à l'intérieur d'une des fusées d'appoint, celle du côté droit, sont sortis. C'est une flamme de chalumeau, littéralement, ouais, qui a percé à travers le réservoir d'hydrogène et d'oxygène et qui l'a fait exploser. Et là, à ce moment-là, tout s'est désintégré dans l'espace. En 73 secondes. Ça a pris 73 secondes pour que ça explose. Tout à fait. Mais le problème a commencé dès le lancement. L'analyse subséquente montre que le problème s'est produit dans les premières secondes du lancement, mais ça a pris environ un peu plus d'une minute avant que la catastrophe se complète, finalement. Ce qui a été clé, je pense, puis je vous laisse nous en parler, c'est la température, en fait, extérieure. Oui, en fait, le lancement s'est fait à la fin janvier, en 1986, et la température était très froide. Pendant la nuit, c'est descendu à moins 8 sur le pas de lancement. Au matin, au moment du lancement, il faisait aux alentours d'environ moins 1, moins 2 degrés Celsius. Et les fameux joints toriques dont j'ai parlé n'étaient pas garantis. On les avait testés jusqu'à des températures minimales d'environ 10 degrés. Le manufacturier assurait qu'il pouvait être encore fonctionnel jusqu'à environ 4 degrés au-dessus de zéro. Et là, on était facilement 5 ou 6 degrés en bas. Et donc, un de ces joints a lâché. Donc ça aurait été évitable, cette affaire-là. La catastrophe était évitable et elle était évitable depuis longtemps. Les fameux joints toriques, c'était pas quelque chose de nouveau, c'était déjà utilisé dans d'autres lanceurs et le manufacturier savait très bien qu'il ne pouvait pas garantir leur fiabilité à des températures plus basses que 4 degrés au-dessus de zéro. Les astronautes, M. Lamontagne, avec ce qu'on sait aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'ils aient pu vivre dans ce 73 secondes, mais c'est un peu plus que ça, finalement, dans ces quelques minutes qui suivent le décollage. Oui, tout à fait. Les astronautes dans la navette elle-même, évidemment, tout se déroule à peu près normalement pendant les premières secondes du lancement. Les ordinateurs de bord compensent pour certains problèmes qui surviennent et que l'analyse va montrer là, qu'effectivement, il y avait des petites dérives, mais les ordinateurs de bord compensaient la poussée pour rétablir la course de la navette. Et c'est au moment où on reçoit l'ordre de plein gaz, à environ 73 secondes, que le commandant de bord, on l'entend dire « oh oh ». Et là, ça explose. Donc, très clairement, il y a quelque chose que lui a détecté Et on n'a jamais su ensuite là, s'ils savaient exactement ce qui se produisait. Mais la cabine explose, donc l'ensemble de la navette explose. L'espèce de coquille à l'intérieur de laquelle se retrouvent les astronautes eux-mêmes, elle est renforcée pour des raisons assez évidentes. Alors ça, ça survit. Et on le voit sur les images qui ont été analysées dans les semaines qui ont suivi. On voit la coquille qui contient les astronautes. Et les astronautes sont vivants au moment suite à l'explosion. Très certainement, quelques-uns d'entre eux sont parfaitement conscients parce qu'il y a des manettes qui ont été actionnées et ces manettes ne peuvent être actionnées que par un astronaute qui utilise ses mains. Là. Mm-hmm. C'est pas un déclenchement automatique. Donc, il y a eu des manœuvres qui ont été tentées, entre autres pour rétablir le courant électrique à l'intérieur de la cabine parce que eux ne comprennent pas exactement tout ce qui se passe, mais ce sont des gens entraînés. On tente donc de récupérer, de sauver les meubles, si on peut dire. Il y a aussi les respirateurs personnels, donc les espèces de masques à oxygène personnels qui ont été actionnés. Et on sait, lorsqu'on les a récupérés dans les semaines qui ont suivi, que les respirateurs ont fonctionné pendant 2 minutes 45. Donc, suite à l'explosion, on sait que certains des astronautes ont été vivants. Est-ce qu'ils étaient conscients ou pas, on ne sait pas, mais ils ont été vivants pendant au moins 2 minutes 45. Jusqu'à ce que cette petite navette, en fait, fracasse l'océan, là, oui, à peu près. Oui, tout à fait. L'espèce de coquille protégée, elle est sur sa lancée. Évidemment, la navette a atteint une vitesse supérieure à la vitesse du son. Au moment de l'explosion, on est environ à 15 km d'altitude. La navette, la coquille va poursuivre sa montée jusqu'à une altitude d'environ 20 km et ensuite elle retombe. Et ça prend environ 2 minutes à tomber de cette altitude. Et donc, pendant ces minutes, très certainement, peut-être que des astronautes sont conscients. Et évidemment, le choc est brutal lorsqu'ils touchent la surface de l'océan Atlantique. Et là, on pense qu'ils sont morts au moment de l'arrivée à la surface de l'eau. Évidemment, c'est la commotion partout dans le monde. Voici la réaction du premier ministre Brian Mulroney à l'époque, le jour de l'explosion. Je viens tout juste de le voir. J'étais au Conseil des ministres. On m'a transmis une note. J'ai avisé mes collègues et j'ai sorti, puis j'ai vu sur cassette la tragédie, puis j'étais profondément bouleversé, attristé. Et je tenais en votre nom et au nom de tous les Canadiens de transmettre nos regrets, nos condoléances les plus sincères auprès de l'administration, des familles, des éprouvées par cette tragédie. Challenger, donc, qui explose en plein ciel en janvier 86, Robert Lamontagne, c'est pas le premier accident à la NASA. Comment ça se compare, cette explosion de Challenger, aux autres drames du genre NASA, puis même les Russes, au fond, qui ont eu certains déboires? Oui. Alors, pour la NASA, c'est la première fois qu'ils perdent des astronautes en vol dans l'espace, ou en fait presque dans l'espace. Mais il y a eu au moins un autre accident en janvier 1967, où là, on testait la toute nouvelle cabine Apollo, celle qui va éventuellement amener les astronautes sur la Lune. Donc, la version numéro 1, la cabine Apollo 1, il y a un test au sol avec les astronautes à l'intérieur, entre autres Virgil Grissom, qui est à bord, et il y a un court-circuit qui enflamme l'oxygène, l'atmosphère assez riche en oxygène dans la cabine. Le feu se déclare. Et malheureusement pour les astronautes, la porte de sortie ne peut pas être actionnée facilement de l'intérieur. Ça prend une intervention externe. Et donc, les astronautes vont mourir brûlés dans la cabine. Il y a des extraits audio de ça. C'est vraiment horrible. C'est horrible. Ouais. Du point de vue des Américains, ce sont les seules pertes qu'ils ont eues avant l'accident de Challenger. Ouais. Du côté des Soviétiques, l'histoire est beaucoup plus floue parce que, bon, guerre froide oblige, il y avait moins d'informations qui filtraient du bloc soviétique, mais on a appris qu'il y avait eu quelques accidents plutôt, impliquant des astronautes dans l'espace qui revenaient au sol. Les missions soviétiques se posaient au sol plutôt que dans la mer, là, comme on le voyait à l'époque. Et lorsqu'on ouvrait la cabine, les astronautes étaient morts à bord. Donc, problème de dépressurisation peut-être, des choses comme ça. Donc, on sait qu'il y en a eu, mais combien et quand exactement, là, c'est beaucoup plus flou. Bon, à la suite de cette tragédie de Challenger, il y a une commission d'enquête qui va examiner un peu les causes de tout ça, la commission Rogers qui va être formée. On écoute un extrait de l'émission Présent, animée par Louis Martin. Quelques jours, il y a des fuites, quelques jours avant la publication du rapport. Nous connaîtrons officiellement lundi le contenu du rapport de la commission d'enquête sur l'explosion de Challenger en janvier dernier. D'ores et déjà, nous savons par des fuites que la NASA, l'agence spatiale américaine, écope lourdement. Les joints d'étanchéité d'une fusée d'appoint ont cédé, établit la commission, qui montre que l'accident était prévisible et qui parle de négligence, d'incurie administrative à la NASA. On a appris hier, d'ailleurs, qu'un des grands de la NASA, William Lucas, responsable de la construction des fusées d'appoint, eh bien, il a démissionné, M. Lucas. D'ores et déjà... Alors, la NASA va être très, très sévèrement blâmée à la suite de cette explosion de Challenger. Avec quel impact? Qu'est-ce qui va changer à la suite de ça, M. Lamontagne? Ben déjà, à partir du moment où l'accident s'est produit, le programme des navettes a été cloué au sol pendant 32 mois. Mm-hmm. Le temps qu'on fasse l'enquête, qu'on fasse des corrections, certainement au moins aux joints toriques, les joints d'étanchéité. Mais on espère, et c'était une des recommandations du rapport, de changer un petit peu toute la séquence de décision dans l'organisation. C'est très, très gros, la NASA. Il y a beaucoup de contracteurs, de sous-contracteurs. C'est réparti un peu partout sur le territoire américain. Et donc, dans le cas de l'accident de Challenger, c'était une catastrophe en devenir. Il y a toute une série de décisions, de mauvaises décisions qui ont été prises l'une à la suite de l'autre. On pourrait appeler ça la tempête parfaite, finalement. Chacune des décisions individuelles n'était pas critique, mais la combinaison menait inévitablement à un accident. Si ça n'avait pas été Challenger, ça aurait été un autre. Problème de culture interne. Louis Martin disait incurie. Je ne sais pas si le terme sera carrément repris par le rapport Rogers, mais il y a un problème de culture à l'interne. Oui, tout à fait. Il y avait déjà des avertissements à l'effet que, par exemple, on avait averti dans les jours précédents que les joints d'étanchéité n'étaient pas fiables à des basses températures et entre autres, les responsables du lancement disaient oui, mais quand est-ce que vous voulez qu'on lance notre navette? On va la lancer en avril ou en juin à ce moment-là. Alors donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris une décision. On néglige les signaux d'avertissement, les alertes rouges, et on y va. Donc, c'est ce qu'ils appellent le « go fever ». On veut partir. On y va. Et la preuve que ça ne changera pas tant que ça, puis on termine avec ça, c'est que il y aura une autre tragédie, Columbia, quelques années plus tard. Oui, en fait, en février 2003, donc presque 20 ans plus tard, là, il y a un autre accident. Les circonstances sont légèrement différentes. C'est au moment de la rentrée. Le bouclier thermique n'était pas totalement étanche. On avait perdu quelques-unes de ses tuiles et donc la friction de l'air a fait chauffer les gaz à l'intérieur de l'aileron, puis ça a enflammé la cabine qui s'est désintégrée à la rentrée. Mais encore une fois, c'est exactement le même genre de mauvaise décision, de culture d'organisation un peu déficiente qui a mené au lancement. Et on savait qu'il y avait des possibilités que, au moment où on lance, il y ait des morceaux de mousse protectrice qui pouvaient frapper la navette et qui, dans ce cas-ci, ont mené à une catastrophe en 2003. Robert Lamontagne, c'était passionnant. Astrophysicien de l'Université de Montréal, directeur exécutif du télescope de l'Observatoire du lac Mégantic. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Thank you.